C'est fou. Cette semaine, on Mathieu plein de show. Dans Television Television, après 19-2 sur Bravo, CBC commande une adaptation anglaise d'Unité 9. Ils vont manquer d'émissions adaptées, ils vont seulement rester And God Created La Flaque. Dans le segment Geeks & Enix, la caféine aide à la formation de souvenirs à long terme. Je me propose pour une étude sur les Doritos et le Dr. Pepper. Et dans What Web, de la musique 8-bit jouée avec un harmonica, ça c'est rock. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui qui joue du tube-tone avec sa bouche, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Gérard Delaflaque et un peu comme Gérard a besoin de Serge Chapleau pour lui écrire des blagues vraiment plates, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Donc Marie-Ève Picard, ma co-animatrice, salut! Hey, salut! Hey, oh, oh, oh. Donc bonjour à toi, bienvenue dans cette émission Geek. Ah ouais, qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais pas. Ouais, on s'habitue. On s'habitue tranquillement, pas vite. Plus tard, l'émission Les Chroniques, c'est un fit, Tech Edition. Le segment Geek CNX et la Geekette en devenir. Hey, ça, c'est moi. Mm-hmm. Dans quelques instants, on va débuter avec Television, Television, mais avant, on écoute un peu de musique chiptune. On l'a dit en intro, on a fait une belle blague de musique chiptune à bouche. Uh-huh. Alors, c'est que... toi qui vas la jouer, c'est ça? Ah, je savais que t'allais me demander okay, ça. OK, go, vas-y. Bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup. On dirait un poisson dans l'eau. Oui, la salle Louis-Philippe Poisson, bleu, bleu. Oh! Tu sais, je vais t'imiter l'artiste Volcazord. Voici Stiff. Hey, c'est presque pareil. T'es bon. Oh. Pièce Stiff par Volcazord. Les quatre ou trois pièces que je vais vous présenter aujourd'hui sont mes préférées parmi une centaine environ que j'ai écoutées pendant les fêtes parce qu'on n'a pas joué beaucoup de chiptune depuis avant les fêtes. Donc, c'est dans mon top, ça, Stiff de Volcazord. Fait que jugez-moi pas. OK, je ne jouerai pas. Ah, c'est vrai, t'as changé de place, toi. Hey, salut. Hey! Hey, ah, hey, en plus, je me suis dit, faudrait pas qu'il oublie, là. Ben, faudrait que je dise. Hey, est-ce qu'on se connaît, Mathieu Plante? Bonjour, Marie-Ève. Et en technique ambulante. on commence avec Television, Television. C'est Television, Television. Marie-Ève Picard, es-tu fan d'Unité 9? Pas encore. Je te rappellerai que on ne l'a pas écouté. Non, c'est ça. Je te rappellerai qu'on l'a vu ensemble et que non, en effet, on n'a pas regardé ça. Unité 9, ça pogne beaucoup à Radio-Canada. Et Le Soleil nous apprend que CBC a commandé une adaptation anglaise ou anglophone d'Unité 9 à l'auteur Steve Galluccio qui en fera l'adaptation. On parle d'une nouvelle production avec des acteurs, surtout des actrices anglophones, actuellement en période de développement et qui porte le titre de travail Unit 9. Au mieux, si elle reçoit l'approbation du diffuseur public, la version anglaise entrerait en production en avril pour une diffusion à l'automne 2015 et serait produite chez Aesios par Fabienne Larouche comme sa version originale. Quand même. Les patrons à Toronto auraient remarqué Unité 9 au Banff World Media Festival en Alberta. Donc, les patrons de Toronto ont remarqué ça à un festival de la télé et non pas dans la bâtisse où se situe Radio-Canada, qui est la même que CBC. Ben oui, c'est ça. Mais bon, peut-être à Toronto, on sent pas littéralement la même bâtisse, ouais. Mais la même boîte, bref. Le téléroman de Daniel Trottier y a reçu l'année dernière le Grand Prix des émissions francophones. Il existe aussi une version sous-titrée en anglais de la première saison. Une des directrices à la programmation, Sally Cato, serait une grande fan d'Unité 9. Il s'agit d'un établissement fédéral soumis aux mêmes règles que dans le reste du pays. On parle de la prison de Unité 9, donc les lois pourraient être les mêmes, donc ce serait assez facile à adapter. Oh. La traduction des 25 premiers épisodes a été confiée à l'auteur et réalisateur Martin Berry, après avoir dû abandonner l'adaptation anglaise de 19-2 qui sera finalement diffusée par Bravo à partir du 29 janvier. CBC est donc en quête d'un gros succès en fiction. La raison qu'il avait dit pour ne pas prendre 19-2, c'est qu'il y avait trop d'émissions policières à CBC déjà. Ah! Donc, pourtant, non, ça se passe dans une prison, c'est la loi, ouais, c'est la même chose. Trop d'émissions policières, mais aucune qui ressemble à ça, en tout cas. Non, c'est ça, exactement. Je pense que ça a beau être une émission de policiers, mais ouais. C'est plus que ça. Là. Mais bon. Michael Cera et d'autres seront en vedette dans la nouvelle série sur FX How and Why. Michael Cera, qu'on connaît de Arrested Development, oui, bien sûr. Oui. Donc, il va être dans la nouvelle comédie How and Why. Goodman Hesselman va être un des personnages, l'animateur de l'émission à l'intérieur de l'émission. Donc, il, lui, va être remplacé par un plus jeune animateur et va démarrer une émission similaire dans une ville voisine. Cera va jouer le rôle de Mendelssohn, qui va être le nouveau patron de Goodman Hesselman. Le pilote a été écrit et réalisé par Charlie Kaufman, qui a gagné 2 Oscars pour Being John Malkovich et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kaufman va être producteur exécutif. L'émission d'une demi-heure va commencer à être filmée en Caroline du Nord au printemps. Donc, on va suivre ça. Michael Cera à la télé. De retour. Mm-hmm. Il est bon, lui, il est drôle. Oui, ça risque d'être vraiment intéressant. Ouais. Aussi, un autre gars que certains trouvent drôle, je sais pas, j'ai un petit peu de misère avec le gars, mais Chevy Chase va être la vedette d'une nouvelle sitcom sur ABC avec sa collègue Beverly D'Angelo qui jouait dans la série de films qu'on connaît au Québec pour Le Sapin à des boules, ce truc-là. Oui, oui, oui. Donc, National Lampoon. Les Griswold. Exactement, les Griswold, t'as bien trouvé. Et donc, le couple va être de retour ensemble sur ABC. Oh. Un pilote pour une comédie à une seule caméra. Là. Une seule caméra, c'est quand il n'y a pas de public devant. Ouais, pis, c'est ça, ça suit, là. C'est spécial comme style, mmh. Mais moi, j'apprécie. C'est ça. Mais est-ce qu'ils reprennent leur rôle non. Groupe, Griswold? Certains diraient malheureusement, d'autres diraient heureusement. Je ouais. sais pas. Il n'y aura pas les enfants et c'est pas des Griswold. Donc, okay. Ça va venir du producteur Aaron Kaplan, qu'on connaît pour la série The Neighbors. En fait, on le connaît pas tant que ça. Qui va suivre une paire de grands-parents de la soixantaine qui vont être forcés à élever leurs petits-enfants. Selon Entertainment Weekly, le projet sans nom est considéré pour la saison 2015-2016. Ce serait le retour de Chase après son passage dans la série Community. Sur NBC, qui a été oui. Renvoyé assez sauvagement il y a quelques temps. La paire, donc les deux, avec Beverly D'Angelo, sont apparus dans 4 films de National Lampoon's Etc. Vacation. Le premier était en 1983, donc bravo à eux. Retour pour ce couple-là. Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est un pilote, donc ça pourrait ne pas se rendre jusqu'à la télé. Ouais, mais on va leur souhaiter. Ben oui. Hein? Ensuite, Fox accorde sa confiance à Backstrom, la série dramatique Backstrom, adaptée d'une série de livres écrits par le romancier suédois Leif G.W. Pearson, arrivera à la télévision américaine pour la saison 2014-2015. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, c'est qu'il va y avoir comme acteur le gars qui jouait Dwight Schrute dans The Office, Rainn Wilson. Oh, yeah! Mm-hmm. Développé depuis plusieurs années et passé entre les mains de plusieurs chaînes, dont CBS, Backstrom a finalement trouvé son diffuseur. La Fox a commandé 13 épisodes de cette série policière conçue par le créateur de Bones, Hart Henson. Bones, très populaire en ce moment. Donc, retour à l'écran, comme on dit, de Rainn Wilson, qui a joué dans The Office entre 2005 et 2013. Cette fois-ci, il incarnera Everett Backstrom, chef de la brigade des homicides de Portland, un patron irascible et autodestructeur. Donc, encore une fois, une affaire policière. Comme toujours. Ben, ça a l'air de poigner, hein? Ouais, ben, tu sais. C'est un bon domaine parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Ben oui. De corruption et autres. Tu peux faire plein d'histoires là-dedans. Hein? Les crimes! Le projet Gotham est devenu prioritaire, oui, pour la chaîne américaine Fox et avance à grands pas puisqu'il s'est trouvé un réalisateur en la personne de Danny Cannon, selon Deadline.com. La Fox et Warner Brothers TV ont jeté leur dévolu sur ce Britannique passé à maintes reprises derrière la caméra. À la télé, on l'a déjà vu travailler sur Les Experts, CSI Miami, Nikita et Shameless. Gotham épuisera son inspiration dans l'univers de Batman, mais exclura l'homme chauve-souris. On avait déjà parlé un petit peu du concept. La série se centrera à la place sur James Gordon, commissaire de la ville de Gotham City. Tiré de la bande dessinée Gotham, la série reviendra sur le passé de James Gordon avant qu'il ne rencontre Batman et devienne son allié pour lutter contre les criminels de Gotham City. La série dramatique mettra en vedette les méchants qui ont fait la réputation de la ville. Ça, vraiment, tout le monde attend ça, Gotham. Ça risque d'être assez fantastique. J'espère bien. On a de grosses attentes pour cette série-là. On n'a pas de grosses attentes pour la nouvelle saison de Dallas parce qu'on va ramener le personnage joué par Larry Hagman. On vous rappelle qu'il est mort, Larry Hagman, la vedette de Dallas. Donc, l'acteur défunt sera présent dans la nouvelle saison de la série Dallas. Ouais. Ouais, les producteurs vont utiliser des images d'anciennes scènes pour mettre J.R. Ewing à l'écran. Oh my God. C'est bizarre parce que l'acteur est décédé en novembre 2012 des suites d'un cancer et les scénaristes avaient choisi de tuer J.R. Ewing lors de la saison dernière en 2013. Mm-hmm. Cependant, il sera de nouveau présent dans la nouvelle saison en 2014. Les producteurs vont utiliser des images anciennes, comme je disais, inédites. Nouvelle saison qui va être diffusée en février aux États-Unis. Donc, c'est de voir est-ce qu'ils vont... Ben, j'imagine qu'ils ressusciteront pas le personnage quand même. Ouais, j'espère. Des flashbacks, j'imagine. Mais comment tu veux faire des flashbacks si les scènes sont déjà tournées? Tu peux pas y faire dire ce que tu veux. Faut que tu tricotes un texte autour de quelque chose qui a déjà été filmé et qui a pas été utilisé. Parce que comment est-ce que tu filmerais des scènes sachant que tu vas pas t'en servir? Ouais. Moi, je comprends absolument rien. Rien du tout. Je comprends pas, mais bon. Oh, mais des fois, là, les flashbacks, là, c'est vraiment... ce qui s'est passé. Hein. Tu sais, il remonte un flashback, là. Ouais. Tu sais, de long à large. De scènes qui font partie de scènes qu'on a vues dans la série, mais qui étaient bonus, si on veut. Ouais. Ça pourrait être ça. Peut-être. Peut-être qu'ils vont prendre des bloopers, genre, il va se tromper dans ses lignes. Ouais, là, quand même, je passerais pas. Là. C'est un bon concept. Dans le générique, à la fin, tu vois Larry Hagman mort, mais qui fait des bloopers. Ouais, c'est ça, puis là, tu dis, hein? Rapport. On a parlé la semaine passée de SNL, Saturday Night Live, qui avait engagé une nouvelle femme noire dans sa distribution. Oui. D'ailleurs, elle commence samedi en direct à 23h30 sur NBC. Et bien, l'émission veut davantage, encore plus de diversité culturelle. Ils ont décidé d'engager une nouvelle scripteur, ou scriptrice, ou scripteuse, ou scriptiseuse, comme on dit. Je crois que c'est scripteur. Peut-être. Une porte-parole du réseau NBC, Lauren Roseman. Ironique, elle devrait s'appeler Rose Woman, mais bon. A indiqué que l'émission avait embauché deux femmes noires dans son équipe de scripteurs. L'embauche suit l'ajout d'une humoriste noire, Sashir Zimata, dont on parlait la semaine passée. À l'arrivée de Lakendra Tooks et de Leslie Jones, et non pas de Leslie Jones, dans l'équipe d'auteurs, donc elle qui avait participé à un récent processus d'audition s'adressant uniquement aux femmes membres de minorités culturelles. Drôle qu'ils prennent tout le temps, là, ils ciblent vraiment des femmes noires. Oublie ça, les Asiatiques, les personnes qui viennent de l'Inde, de peu importe, l'Italie, non? Ils pourraient en avoir. Mais c'est parce qu'il y aurait peut-être la peau blanche, puis on veut de la peau noire en ce moment. C'est ça qu'on veut. Seigneur. Mais bon, moi, il me semble que j'ouvrirais ça à tout le monde du monde. Ben oui. Deux humoristes noirs de l'émission, on le rappelle, Kenan Thompson et Jay Farrow avaient dénoncé publiquement l'enjeu et refusé de s'habiller en femme pour interpréter des célébrités noires. Et c'est ce que ça. On va voir ce que ça va donner. Bref, samedi à 23h30. Maintenant, tiens, ici, c'est pas vraiment de nouvelles, juste pour vous en parler, pour que vous sachiez que ça existe et pour que toi et moi sachions que ça existe et qu'on le tapions sur le DVR. Ah, OK, oui. Donc, vas-y. C'est la nouvelle émission Le sexe m'a envoyé aux urgences. T'as entendu parler? Non, non. Sex sent me to the ER, la nouvelle série de TLC fait couler beaucoup d'encre. Le classique du journalisme ici, couler beaucoup d'encre. TLC fait encore jaser. Cette fois-ci, la chaîne de télé attire les regards avec Sex sent me to the ER, une nouvelle émission qui raconte comment certaines personnes ont abouti aux urgences après avoir eu des rapports sexuels sexuelle. Entrée en onde le 28 décembre dernier, la série provoque de vives réactions dans les médias. Dans les premières émissions, on examinait le cas véridique de Greg, un jeune puceau de 21 ans pesant 440 livres, prévoyant sa première relation sexuelle avec Jennifer, son amoureuse. Les choses ont toutefois pris une tournure dramatique quand la tête de Jennifer a défoncé le mur en plein cœur des ébats, résultant une commotion cérébrale accompagnée de nausées. Oh my God! Bien entendu, TLC garde les choses relativement propres. Les reconstitutions des accidents demeurent grand public. J'imagine. Parmi les autres cas présentés en onde, citons celui d'un homme dont le pénis a cassé durant un ménage à trois avec sa femme et sa maîtresse. Cool! Qu'est-ce que c'est cool? Je savais que tu dirais ça. Parce qu'il était avec sa femme et sa maîtresse? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Les deux femmes ont d'ailleurs commencé à régler leur compte en pleine salle d'attente. Oh my God! Cool! Sex is admitted to the ER, c'est aussi une femme victime d'un orgasme de 3 heures, une jambe gauche paralysée en raison d'un accident vasculaire cérébral au cœur du désir et quelques blessures graves après une séance improvisée dans la remise du concierge de chic hôtel. Oh my... Tous les grands quotidiens en parlent, évidemment. TLC profite des soulèvements que provoque sa nouvelle offrande en faisant des marathons sans cesse, comme des marathons de sexe. Suit une grande lignée de télé-réalité. Donc, cette émission-là suit une grande lignée de télé-réalité au goût discutable présentée à TLC. C'est eux qui présentent Enceinte sans le savoir. Oui. I Didn't Know I Was Pregnant. Et My Strange Addiction, notre préféré. Ooh. Quoique rendu à saison 4, ça s'essouffle pas mal. Hein? Ouais, c'est ça. Ça se ressemble pas mal. Tout en rond, pas mal. On a fait le tour, je pense. Hein? Tel un doigt dans un. Ouais, c'est correct. Voilà pour Télévision sur cette blague de très bon goût. Surveillez ça, c'est sur TLC. J'ai même pas besoin de vous dire de cases horaires, c'est dans toutes les cases horaires. En ce moment, ça joue tout le temps. Sex sent me to the ER. Voilà pour, c'est ça, Télévision. On continue avec une autre chanson de chiptune. Ça va être très très bon, j'en suis sûr. La prochaine se nomme Corridor of Chains par Maxo. On écoute ça, MPS, le Mathieu Plancho. Restez là parce que tantôt, il y a entre autres la chronique Geek Cynix. Et la geekette en devenue. Ben oui. Toute geekette deviendra grande. Ah, peut-être un jour. Faudrait qu'elle mange ses croûtes. Corridor of Chains, Corridor, je pense. Corridor. Ouais. Comme le groupe, les Corridors. Là. Hein? Bof, bof, tu sais. Comme les Doors, mais avec les Corridors. Je sais pas si ça existe. Bref. Laisse donc faire. C'est louche. Si tu passes outre, ça passe inaperçu, tu sais. C'est louche. Mais si tu mets l'accent dessus, tu sais, puis tu soulignes, tu l'encadres, tu sais, puis comme, ouais, tu, comme on fait là. Comme ouais, c'est genre. Ça. Voici le bulletin Geek Cynix. Dot com. La chronique de la bibliothèque, la radio. www.radiocanada.com. Peut-être que dans ton bulletin CNX, ils vont nous l'expliquer. Peut-être que dans le bulletin CNX, on va donner un F. Pour fail! On commence avec Razer, la compagnie derrière les souris pour gamers, les claviers pour gamers. Ils font plein d'affaires pour gamers. Là, ils annoncent un projet qui s'appelle le projet Christine. C'est vraiment cool. C'est un concept de PC modulaire au design pour le moins original. L'idée est de faciliter le montage et l'entretien d'une machine pour les joueurs peu au fait des évolutions technologiques. Donc, pas de câbles, simplement en emboîtant les modules les uns dans les autres. Il va être possible d'ajouter un nouveau disque dur, ok, jusqu'à 5, disque dur SSD, mettons. Changer ou de rajouter une carte graphique, ok, remplacer le processeur. Mais tout ça, ça va être des modules, genre en prisme, si on veut, qui s'insèrent dans une grande structure. C'est vraiment, en plus, super beau, très, très vert fluo, qui est la couleur de Razer, tous leurs produits ont du vert fluo. Donc, un module de contrôle se charge de donner via un écran les informations importantes en plus. Donc, tu as plein d'informations disponibles. Razer s'engage à proposer du nouveau matériel par la suite, donc après la sortie du produit Christine. Et donc, des cartes graphiques plus récentes, des processeurs à jour. Tout ça, bien sûr, il va falloir attendre que le constructeur les rende disponibles parce qu'on ne pourra pas mettre n'importe quelle carte dans le système. Il faut prendre celles qui ont été, j'imagine, achetées par Razer, sûrement d'une autre compagnie. Le constructeur n'annonce pas pour l'instant de prix ni de date de sortie, mais pour vrai, en regardant les photos, c'est vraiment très, très cool. J'espère pouvoir un jour avoir ça parce que les produits Razer, j'aime bien quand même. Ensuite, une nouvelle imprimante 3D qui permettrait de construire une maison en 24 heures, Marie-Ève. 24 heures, tu veux une maison, lave-la en 24 heures. Colin, go! Allons-y. Le professeur Berok Kochnevis de l'Université de Californie vient de pousser le concept d'imprimante 3D dans ses derniers retranchements. L'invention sur laquelle il travaille en ce moment même, oui, permettrait en effet de construire une maison en 24 heures. L'engin colossal fonctionne selon une technologie appelée contour crafting, donc élaboration de contours. Elle consiste en un bec attaché à une sorte de gigantesque portique qui dépose du ciment suivant un schéma programmé par ordinateur. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Elle pourrait permettre de réduire les coûts de construction de moitié et de mettre rapidement au pied des habitations pour les réfugiés ou les mal logés. Tu, mettons, il y aurait un ouragan, peu importe. Oui, c'est vrai. Ça coûterait beaucoup moins cher que de commencer à reconstruire tout. Ben oui, puis ça serait bien moins long. Là. Tu, mettons, en attendant, tu fais ça, puis après ça, tu fais les vrais. Oui, je sais pas s'ils vont. J'imagine. Ouais, c'est ça. J'imagine que les gens qui. Les hommes, les gars de la construction, bref, oui, vont sûrement se plaindre que Colin, ça enlève des jobs. Fait que là, ben, ils vont monter les prix des affaires en 3D pour compenser. Ben non, je pense pas, parce que, tu sais, ça doit pas être. Ben. C'est sûrement pas la même qualité, je me dis. Ben, c'est ça. Tu dois pas pouvoir faire une maison à deux étages. Ben non, tu peux sûrement pas rester 10 ans, 25 ans, 45 ans, 600 ans là-dedans. Là. D'après moi, ça doit être fait comme temporaire, si on veut. Une courte durée de vie. Mmh. Pour l'instant, la NASA étudie la mise en pratique de cette nouvelle technologie. Donc, bien sûr, on va avoir des suivis à faire là-dessus. Des découlements, un peu comme un écoulement de béton. Parlant de 3D, la Chef Jet, une imprimante 3D qui imprime des desserts. Là, ça me touche encore plus. Hein. Mmh, ça, c'est le fun. Lors de l'International CES la semaine passée, 3D Systems, entreprise basée en Caroline du Sud, a dévoilé une nouveauté présentée comme la première et unique imprimante 3D à usage professionnel destinée à la cuisine. La Chef Jet peut imprimer du sucre, du chocolat ou des confiseries suivant à peu près toutes les configurations imaginables. Mmh. Ah, pour créer une confiserie. Du bonheur dans la gueule. Oui. L'imprimante a besoin d'eau et d'ingrédients à base de poudre sèche. Un mécanisme ressemblant à un rouleau à pâtisserie étale d'abord une fine couche de poudre sur la surface imprimable. Une tête à jet d'encre diffuse ensuite un filet d'eau étroit, dessinant sur la couche de sucre en suivant le schéma pré-programmé. Quand l'eau entre en contact avec la poudre, elle recristallise de manière à ce que tout ce qui touche l'eau durcisse. Wow! Et on fait ça couche par couche, 25 mm à l'heure. Wow. C'est long, mais c'est bon. Lorsqu'elle sera commercialisée, l'imprimante coûtera un peu moins de 5000 $. Elle sera destinée aux boulangers professionnels, aux chefs pâtissiers, aux restaurateurs et aux chocolatiers. Une version améliorée, la Chef Jet Pro, peut ajouter de la couleur aux confections et sera disponible pour un peu moins de 10 000 $. Donc, tu vas pouvoir aller dans un magasin demander quelque chose de spécifique, là, un tableau de Mario. Hein. Tu n'auras plus besoin de connaître quelqu'un qui fait ça avec du glaçage. Si on connaît tous quelqu'un qui fait des... Oui, c'est ça, qui fait des gâteaux spéciaux. Fait qu'eux autres aussi vont perdre leur job à cause des robots. Mais non. Non, ce sera jamais... Ça reste un passe-temps. C'est ça, et Colin, les personnes qui ont le talent pour ça, ils l'ont-tu le talent? Ben, mais, hein? Colin. Oui. Se creuse, là, mais. Ben non, mais c'est vrai. Vous pouvez réparer. Bravo, Amélie Larrain. Ben, oh, pour vrai, elle fait ça. Ben oui. C'est des tableaux de Mario? Ben, elle pourrait sûrement. OK. As-tu déjà vécu ce moment gênant où tu arrives dans un magasin et t'as oublié ton portefeuille? Non, parce que t'as sacoche avec toi, là. T'es pas exact. Un gars. Exact, ouais, c'est ça. Moi, sérieusement, le nombre de fois que je suis arrivé au dépanneur, je me suis dit, hey, j'ai oublié mon portefeuille, puis finalement, il était dans la poche, dans l'arrière, parce que d'habitude, je le mets sur le côté. Oh, non. Ouais, faut pas que je change mes habitudes. Bref, un nouveau système de paiement sans carte vous permettra désormais de payer en scannant votre main. Hein? Oui. Cool. Faut pas que t'aies mangé une, puis qu'il t'en reste une porte de main. Maman. Le Pulse Wallet synchronisera votre carte de crédit à la paume de votre main grâce à la technologie biométrique interne de l'appareil. En utilisant la technologie intégrée Palm Secure de Fujitsu qui scanne la paume de votre main, le dispositif électronique photographie les veines qui se trouvent dans votre peau. Puisque chaque individu possède un motif de veine différent, le système serait très difficile à tromper. Le système qui a été dévoilé évidemment au International CES la semaine passée sera en vente en février prochain. Donc vraiment, tu scannes ta main, tu passes, let's go. Bien. C'est genre là, en février prochain. Ouais. C'est genre dans même pas moins d'un mois. Quand est-ce que ça va être intégré dans les commerces, j'imagine? Ouais, là, que ça, c'est une autre histoire. Il y a encore des magasins qui prennent pas le débit. Mais... Ouais, mais peut-être que justement, là, ils vont peut-être prendre ça parce que peut-être qu'ils n'auront pas de. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle les magasins prennent surtout pas les machines, genre débit ou Visa ou peu importe, là, c'est que ces compagnies-là leur chargent l'argent à chaque fois que quelqu'un utilise la carte. Là. Ouais. J'imagine qu'ils vont finir par charger des frais. Si c'est pas au début, ça va être plus tard. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Je sais pas. T'sais, peut-être que tu pourrais genre. Une fois que la machine est achetée, elle est achetée. Là, je veux dire, ça fait rien que scanner ta paume demain, puis. C'est ça, ils pourraient te faire une petite manucure. Ah, ouais. Comme ça, ben là, ça me dérangerait pas de payer un frais. T'sais. Si tu me boffes le ouais, frais, si au moins tu me fais de manicure pour, hein, oui, c'est ça. Hey, pas bête. Si vous avez quelques milliers de dollars à dépenser, vous pouvez vous offrir des vêtements qui changent de couleur à la demande. La créatrice londonienne, ça, je te jure. Et la fille, elle s'appelle Amy Rainbow. Comme un arc-en-ciel. Amy Rainbow Winters. Elle avait le nom pour. Ben oui. Ça a l'air fake, comment. Expose un salon high-tech au salon international, évidemment, du CES de la semaine passée à Las Vegas. Une robe réalisée avec un textile contenant de la fibre optique. La robe émet de la lumière bleue, mais la couleur peut se changer du bout du doigt en touchant des capteurs intégrés à la manche. Wow! La créatrice collabore avec des spécialistes en technologie pour obtenir les matériaux nécessaires pour les vêtements qu'elle conçoit. Certains réagissent au son, au soleil ou à l'eau. Cool. Une autre robe présentée au CIS intègre par exemple des capteurs de mouvement et sa couleur change quand la personne qui la porte saute. Inutile. Ça fait penser un peu, tu sais, comme dans le temps. Ben toi, ça c'est un gars, t'as peut-être pas tant connu ça, mais tu connais pas mon passé, non. T'as une soeur, par exemple. Ouais, tu sais, les fameuses bagues d'humeur là, oui, que tu portais pour qu'ils changeaient de couleur selon ton humeur. Hey, c'était-tu la grosse bullshit, ça, sérieux? Oh, man! Ah, c'était hot! Moi, c'est parce qu'elle était tout le temps noire. Ben oui, mais... Hey, y a une application iPhone qui fait la même chose, mais tu sais, c'est autant de la bullshit. Là. Tu mets ton doigt sur l'iPhone, il peut même pas détecter ta chaleur. T'sais. Oh, mais il était tellement belle! Oui, pour être belle, c'était joli. Ses créations sont personnalisées et ont déjà été utilisées dans des vidéoclips et des publicités. Elle ne fait pas de prêt-à-porter parce qu'elle est au-dessus de ça. La fabrication des robes en fibre optique revient à environ 3 000 $, mais le prix peut monter en fonction du design. Ça me surprend pas du tout. Ben oui, regardons ça. C'est pas pire une ceinture qui change de couleur par rapport à l'humeur. Ah, une ceinture, ouais, ouais, j'avoue. Ouais. Toujours au CIS, évidemment, des développeurs ont mis au point une nouvelle application de reconnaissance faciale aux implications problématiques. Grâce à une simple photo de quelqu'un, l'application permettrait de rassembler tous ses profils sur les réseaux sociaux disponibles sur Internet. Une application qui s'appelle Facial Network, c'est l'application de la compagnie Facial Network qui se nomme NameTag, reste en cours de validation pour les magasins iOS et Android. En plus de retrouver toutes les informations d'une personne sur Twitter, Instagram ou Google+, l'éditeur de l'application compterait également à long terme élargir les recherches des profils sur des sites de rencontres américains. Mais le plus important, c'est qu'on a pensé à NameTag pour le mettre dans des lunettes comme les Google Glass. Ça changerait radicalement. Donc, la façon de fonctionner, c'est que quand tu aurais ces lunettes, les lunettes Google Glass, avec l'application NameTag, tu pourrais voir quelqu'un, ça scanne sa face, ça te dit son profil Facebook, Twitter, etc. Et là, tu peux te rappeler c'est qui. Qu'est-ce qu'elle fait? Son chum blonde, tu sais, là? Genre, tu pourrais en savoir plus sur la personne sans avoir à dire « Ah, oh, tu me dis quelque chose, t'es qui, toi? Je te connais. » Ouais, c'est ça. C'est piquant, toi. Voyons, me semble quand c'est déjà vu quelque part, là. Parmi les autres fonctionnalités envisagées sur le long terme, l'application pourrait permettre de révéler la présence de quelqu'un dans les bases de données criminelles aussi et le registre américain des délinquants sexuels dont tu croiserais quelqu'un. Oh, pédophile! Violeur de femme. Ouais, c'est ça, ça te pompe, là, genre. Ouais, ben, c'est ça. Un peu comme lui dans son passé, ce qu'il a rendu coupable. De... Oui, oui. Un enregistreur numérique pour les débrancher du câble maintenant. Vous n'avez plus le câble et vous pensez peut-être vous en désabonner. Ça peut arriver, on coupe le cordon, comme on l'appelle. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'aimez pas la télé. Il y a simplement de plus en plus de nouvelles façons de la regarder, que ce soit sur Internet ou par les antennes haute définition, qui maintenant au Canada donnent vraiment des stations qui sont en meilleure définition que sur un satellite, parce que les satellites vont réduire la bande passante des chaînes pour pouvoir en mettre plus sur le satellite. Donc, l'image que tu regardes sur une chaîne HD est moindre, est inférieure à ce que tu aurais avec une antenne haute définition sur ta télé. C'est tout à fait vrai. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais il n'y a pas de compression sur la HD sur une antenne. Bref, ceux qui ont une antenne, c'est très peu fréquent en ce moment, mais quand même, c'est qu'ils ne peuvent pas enregistrer. Ils n'ont pas les avantages de l'enregistreur personnel. À moins qu'il y ait un graveur DVD, mais bon, là, on s'en farge. arrive donc Nouvio, une entreprise d'Ottawa qui a présenté au CIS un enregistreur numérique pour la télé hertzienne, donc c'est par antenne, appelé Tableau. Il sera disponible en février et coûtera environ 200$ plus un abonnement mensuel d'environ 5$. Et comme c'est une compagnie canadienne, c'est sûr que ça va fonctionner au Québec. Ça, c'est le fun. Mmh. Le modèle de base compte deux synthoniseurs. Donc, un peu comme la machine de Bell, deux synthoniseurs en même temps. Deux émissions peuvent être enregistrées en même temps sur l'antenne. Un modèle à quatre synthoniseurs pourrait éventuellement voir le jour, j'imagine pour le double du prix. En plus d'enregistrer, Tableau sera capable de retransmettre le contenu via un appareil, par exemple le Roku ou un Slingshot ou le Sling Media Player, où tu peux regarder une émission d'une pièce à l'autre dans ta maison. Ouais. Donc, tu pourras avoir une antenne, haute définition, super bonne qualité. Tu enregistres ça ou tu le diffuses sur ta Roku qui est dans une autre pièce. Cool. C'est la vie, ça. Évidemment, les chaînes qui diffusent sur les ondes hertziennes, donc disponibles sur antenne, ne sont pas nombreuses. On parle des grands réseaux, là, CTV, Global, CBC. Tu n'auras pas les chaînes câblées, mais bon, c'est mieux que rien si tu coupes le cordon. Puis de toute façon, la plupart des émissions câblées sont directement sur Netflix et ces trucs-là. Donc, tu peux avoir la majorité du contenu qui intéresse le grand public sur tout ça. Bon. Sur le net. La caféine aide à la formation de souvenirs à long terme, Marie-Ève. Ah. Enfin, une bonne nouvelle, autre que le reflux d'acidité et les problèmes de boyaux. La consommation de je parle juste de moi. La consommation de caféine contribue à la formation de souvenirs à long terme, démontre une expérience réalisée par des chercheurs américains. Les scientifiques de l'Université de Johns Hopkins ont demandé à leurs participants d'étudier une série d'images. Certains participants ont reçu 5 minutes plus tard un placebo, tandis que les autres recevaient un comprimé de 200 mg de caféine, soit l'équivalent de deux petites tasses de café. Les participants n'étaient pas des consommateurs habituels de caféine et des prélèvements de salive ont permis de mesurer le taux de caféine dans leur organisme 1 heure, 3 heures et 24 heures après l'expérience. Les chercheurs ont testé le lendemain la capacité des deux groupes à reconnaître les images vues la veille. Les participants qui avaient reçu de la caféine ont témoigné d'une capacité supérieure à repérer les images similaires, mais non identiques, qui leur étaient présentées. Donc, on montrait des genres de fake qui avaient l'air similaire, tu sais, qui ressemblaient aux photos, mais qui n'étaient pas. Témoignant d'une mémorisation supérieure. Oh. La prise de caféine après l'étude, plutôt qu'avant, démontre aussi que l'impact est dû au produit lui-même et non à une amélioration de la concentration ou de la vigilance. Donc, c'est pas le fait de boire du café qui te donne une meilleure mémoire parce que t'es plus en forme et que tu penses mieux. C'est vraiment parce que c'est l'ingrédient, c'est le produit lui-même qui est dû à ça, qui cause ça, bref. Les chercheurs veulent maintenant élucider le mécanisme cérébral responsable de cette amélioration. Ça vient du journal Nature Neuroscience. Donc, l'impact est dû au produit lui-même et non à une amélioration de la concentration. D'accord. J'essaie de comprendre moi-même, mais c'est vraiment cool comme étude, je trouve. Oui. Ça, c'est une bonne affaire. Un peu comme, Colin, as-tu vu Justine Renaud dans Zone Campus, toi? Non. Elle a fait une étude sur le vin et le cerveau. C'est super intéressant, les études dans Zone Campus. Oui. Donc, il y en a de partout de ces bonnes petites recherches-là. Maintenant, dans l'anodin, et là, on ne devrait même pas en parler tellement c'est plate, là, mais il y a un Canadien qui a récemment mis en ligne un site web demandant aux internautes de choisir le prénom de sa fille, qui va naître en avril. Ouais, okay. Stephen McLaughlin et son site namemydaughter.com, ce développeur de logiciels habitant Kelowna en Colombie-Britannique, remarque toutefois que comme sa fille ne doit pas se prénommer Wacky Taco 692, son épouse et lui vont prendre la décision finale en commun pour éviter un prénom farfelu. Le prénom arrivant en tête en début de semaine lundi était Amelia Allspark. Oh. Suivi de Cthulhu, ça c'est une référence à une série de films, je pense, et Laquisha, un nom très très afro-américain. Près de 1500 prénoms ont été soumis par les internautes depuis le lancement du site, certains totalement imprononçables tels que 1 ou encore point exclamation, parenthèse, parenthèse, et point exclamation, étoile, étoile, étoile, étoile, étoile, dièse. Le résultat final devrait être connu autour du 2 avril pour la naissance. Une chose est d'ores et déjà connue, le nom de famille de la fillette sera McLaughlin, donc ce sera peut-être un McLaughlin. Cool. Et la bonne nouvelle, c'est fou, de la semaine. La bonne nouvelle, c'est Enix. Bonne nouvelle, c'est Enix. Ça sonne mieux. C'est l'acquisition de Winamp par Radionomy. Oh, oui! Fait qu'il mourra pas. Ben non, mon logiciel préféré d'MP3. Yay! Ah, je suis tellement content. L'un des plus importants lecteurs MP3 de l'histoire informatique connaîtra une deuxième vie. La société belge Radionomy fait d'une pierre deux coups en devenant propriétaire de Winamp et de Shoutcast, un service de diffusion musicale conçu par les développeurs de Winamp. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Il est néanmoins intéressant de noter que AOL est devenu actionnaire minoritaire de Radionomy dans le cadre d'une récente ronde de financement. On rappelle qu'en novembre dernier, AOL avait décidé de mettre un terme au développement de Winamp, le populaire logiciel musical devenu sa propriété en 1999. Le retrait du logiciel était alors prévu pour le 20 décembre. Et bien, suite à l'annonce, il y avait eu une grosse pétition pour qu'on conserve Winamp et Shoutcast. On dit, on suppose que les vives réactions des amateurs ont exercé une certaine influence sur le développement de cette histoire. Moins connu en Amérique, Radionomy est un service gratuit qui offre à ses utilisateurs les outils nécessaires pour diffuser, promouvoir et monétiser leur propre radio gratuitement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. J'espère qu'ils vont pas gâcher tout ça. D'après moi, si c'est une petite entreprise, ils risquent de faire plus attention. Ouais. Faire ça avec amour. J'espère bien. Ah, Winamp, l'amour de ma vie. Pour vrai, j'adore Winamp. J'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup. D'amour. Voilà pour CNX Bulletin Geek. Tout à l'heure, en fait, après la pause, dans la deuxième partie de l'émission, il y aura C'est un fait Tech Edition, le tour du web dans WoW at Web et la Geekette en devenir avec Marie-Ève Piqueur. Oui! Piqueur. Mais avant ça, petite pause. On est dû? Ben oui, pourquoi pas? Ben ouais, pourquoi pas? Hey, c'est le Mathieu Plancheau, man. Man. And woman, and ladies and gentlemen, restez là. Yeah. Bonjour, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard qui est aussi là. Ah oui, je suis là. Bien sûr, la semaine passée, je t'ai pas mentionné parce que les gens comprennent pas que le titre de l'émission, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, même si le logo, je l'ai pas refait encore. Ça fait depuis le début de la session d'automne que je me dis, faut que je refasse le logo parce que je trouve ça drôle, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, non? Ben oui. C'est drôle. Ben oui, c'est drôle. C'est de même, hein? Ah oui. Mais quand même, merci d'être là, Marie-Ève Picard. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. On continue à l'instant. Tantôt, on était en train de parler de choses très, très, très geek dans le bulletin geek CNX. Maintenant, on passe à la deuxième partie de CNX. C'est wow, what? Web. Et on commence WoW What Web avec de la musique créée à partir d'une harmonica créée par quelqu'un. En fait, c'est un YouTuber qui se nomme Basami Sentaku qui a créé une harmonica 8 bits, donc musique à la chiptune, à l'intérieur d'une cassette de NES, de Famicom, qui est la version japonaise d'une Nintendo Entertainment System, le premier Nintendo. Donc, ça fait des sons à partir d'une chip sonore de NES originale. Okay? Et ça fait des bruits quand il joue de l'harmonica. On va l'entendre prendre son harmonica. Ça, c'est bizarre parce que la forme... vous allez voir, bref, dans la vidéo sur assemblagerequis.com, quand je dis voir, c'est voir avec vos oreilles. Attention. Pas un très bon micro pour enregistrer leur affaire, mais quand même. Donc, tu souffles et ça fait le bruit d'une scène, ça fait le bruit de la lave dans le château. OK, donc, mauvais micro et pas de talent non plus pour jouer. Bon, mais c'est quand même pas super. Hein? Ben, c'est très minable, je trouve, comme enregistrement. Wow. Mais bon, je trouvais ça drôle et quand même une bonne idée. Donc voilà, le lien est sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, Magic the Gathering, qui est un jeu de cartes que les nerds très très profonds et que je respecte énormément utilisent comme pour se faire plaisir. Bref, jouer aux cartes entre amis. Mais 20th Century Fox a acheté les droits pour faire un film avec ça. Donc le jeu de cartes de Hasbro va devenir un film. Bref, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est via The Hollywood Reporter. Ça valait pas la peine d'en parler plus que ça. Évidemment, là, je fais le tour très rapidement. Je vais laisser le reste des liens sur assemblagerequis.com. Il y a un nouveau meme, une nouvelle mode sur Internet qui est une jeune élève, mais qui est habillée, on dirait, et arrangée comme une femme de 60 ans. Mais ça date vraiment, c'est une vraie photo de l'époque. Mais la façon qu'elle est arrangée, elle a l'air tellement matante avec ses grosses lunettes et ses vêtements super matantes. Mais c'est une photo qui date des années, j'imagine, je sais pas, 80, quelque chose comme ça. Mais bref, présentement, la mode est de la mettre dans des photos dans le présent et de rire d'elle, si on veut. Donc, c'est comme la nouvelle mode sur Internet, okay. Si on veut. Donc, ça dit, bon, genre, fais du vélo dans la rue. Tu sais, les photos, les memes, là, où tu as du texte en haut puis en bas de la photo. Ouais. Bon. Donc, la première, c'est, mettons, genre, fais du vélo dans la rue et en bas, genre, mets son clignotant tout le temps, tu sais, comme une vieille une personne âgée. Donc, c'est comme de l'anachronisme, si on veut, de la personne âgée, alors que c'est une jeune fille. Allez voir ça, c'est complètement anodin. T'as aussi Jennifer Lawrence qui fait des photobombes sur des moments importants de l'histoire. Tu connais Jennifer Lawrence, l'actrice de Hunger Games? Ben oui, ben oui. Donc, on a pris une pose. Quelqu'un, un paparazzi, j'imagine, l'a pris en photo et elle a fait une pose assez bizarre, genre qui a fait peur un petit peu. Donc, ils l'ont découpée et là, on la met sur des photos historiques, comme, je sais pas... Un paquet d'événements, là, genre, mettons, un baiser reconnu à Times Square. C'est la photo noir et blanc à Times Square qu'on connaît tous. Donc, on la voit en train de faire peur aux gens. Marilyn Monroe, en train avec sa jupe dans les airs. Ce genre de photos-là. Les Mighty Ducks dans le film des Mighty Ducks. Bref, elle est partout et on la voit faire sa drôle de pose. C'est Jennifer Lawrence. Ensuite, tiens, il y a... je saute un paquet d'affaires, pour vrai. Celui-là, il faut que je le garde pour la fin. Hey, je suis beaucoup trop behind the scenes aujourd'hui. C'est vrai quand même. C'est beaucoup trop. Il y a un homme qui a dépensé 42 000 $ pour faire une session de webcam avec une top modèle de fétiche sur Internet. Donc, il y a beaucoup de top modèles fétichistes. Donc, c'est des filles qui décident de prendre un fétiche et qui savent que les gars sont très, très en amour avec ces fétiches-là. Par exemple, un fétiche de pied, un fétiche de ballon. Il y en a plein, genre, ouais. Des filles qui aiment ça se faire piler dessus. Donc, et lui, il a mis 42 000 $ de son argent pour passer une heure en session privée avec maîtresse Madeline, une dominatrix. Et donc, c'est ça. Donc, on peut voir, évidemment, une photo de cette femme-là et les détails là-dessus sur assemblagerequis.com. Et puis, crime. C'est pas mal ça pour ce qui est moyennement intéressant. Je vais même pas mettre le mot intéressant là-dessus. Ce que je vais faire entendre, par contre, c'est ce petit medley. Ça dure une minute environ. Et le gars fait un medley à la guitare de différentes chansons de jeux vidéo. Je vais vous faire entendre ça et vous allez devoir deviner les chansons. C'est vraiment cool. C'était Pac-Man en premier, Mario. Zelda. Tetris. Ça, c'était Street Fighter 2 et Super Metroid. Il y avait eu Sonic, ça c'est Donkey Kong Country. Pokémon. Crash Bandicoot. Des Final Fantasy que je connais pas. Halo. Le classique Portal. Skyrim, Red Dead Redemption. Il est bon et ce serait encore meilleur sans moi qui parle par-dessus. Je sais. Quand même. Ça s'appelle pas le métier plancheau pour rien. Il faut bien qu'il prenne toute la place et qu'il laisse pas parler les autres. Même là, je suis en train de te parler par-dessus. Yes, Seigneur. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit medley. Retrouvez le lien sur assemblagerequis.com comme toujours. On était rendu à une autre pièce de chiptune avant de passer à la geekette en devenir. On écoute Wicklund et Joule. Voici Make Believe Girl, une autre de mes pièces préférées de la période des fêtes. Je sais que la semaine passée, j'ai joué un petit peu de chiptune, mais il me restait comme 100 chansons à écouler et trouver les meilleures. Donc en voici une de mes préférées en ce moment. Make Believe Girl. MPS, le Mathieu Plante Show. Make Believe Girl par Wicklund et Joule. Au Mathieu Plante Show, c'est du chiptune, la musique de jeux vidéo. Ouais, ben c'était pas pire. J'adore. Maintenant, une autre chose que j'adore, ben... C'était pas une chose, mais c'est toi, c'est ça. Oh yeah! Ouais. C'est la geek qui est en devenir. C'est la geek qui est en devenir et le segment de Marie-Ève Picard, ma co-animatrice, qui le prend toute la place pendant quelques minutes. Pour nous dire ce qu'elle a trouvé sur Internet. Oui! Écoute, je me suis dit, pour faire chargement, on va faire un bloc princesse de Disney. Du jamais vu. Du jamais vu. Sauf à toutes les semaines depuis le début. Ouais, mais là, juste ça. Juste ça, du début à la fin. Ben oui. Arrête, mon nom, ça. Ah ben, je te le jure. OK, je t'écoute, j'essaie de trouver ça pertinent. Hey! non, j'aime ça. Ben oui, c'est cute, fun. C'est cute. Ben oui. Tu trouves toute belle pareille, là. Mais ça. Bon, ben, tu vois. C'est écrit par des gars qui ont du goût. Il y en a pour les deux. C'est ça. Et voilà. Écoute, il y a l'artiste Heather Turrer, qui est une très, très bonne artiste. Elle a fait, dans le fond, les princesses de Disney en peinture à l'huile. Mais ils sont tellement belles, là, ces peintures-là. On dit bien plus beau que la peinture à l'eau, là. Oui, effectivement. Genre. Oui, mais écoute, ils sont hallucinantes, là, et ils pourraient être dans un musée. Tellement ils sont belles. Je m'y rends à l'instant, Wow! C'est vraiment magnifique. Le détail dans la peau et les cheveux, chaque cheveu a été dessiné genre un à la fois, clairement. C'est malade, là. C'est vraiment beau. C'est de la là. Précision. La première, c'est la fille de Brave. Oui, exactement. La jeune rousse. Oui. Fugueuse. Fugueuse, c'est juste quelqu'un qui fait fugue. Excuse. La langue a fourché. Elle m'a surpris, au moins. Oui, quand même. Hein. J'ai pas trop honte. Non, OK, c'est correct. Et donc, elle a fait aussi Mulan, Cendrillon et Rapunzel. Sauf que, dans le fond, ben en fait, ce qui est le fun, on peut les acheter. OK. Sauf que là, elle a juste là, ces quatre-là là, de présentement à acheter. Présentement. Okay. Non, en fait, ils sont vendus. Ah. Mais on peut quand même, là, si on veut, lui envoyer une demande spéciale. Là, espérer puis, qu'elle le fasse. Exactement. Et le prix doit aller avec. Oui. Heather Turrer. Tous les liens sur le site, évidemment, assemblagerequis.com. Oui. Mm-hmm. Ensuite, toute geekette qui se respire doit... Qui se respire. Ben, si on veut, c'est pas mal ça que ça veut dire, mais bon, qui se respecte doit respirer. Oui, c'est ça que je voulais dire. Non, je voulais dire, toute geekette qui se respecte doit sentir bonne. Ah, d'accord. C'était comme un approche, là. C'est comme un sujet amené. C'est ça. Ah, wow, hein? Oui. Pour, t'es étudiant en com, toi, hein? Oui. Donc, c'est ça, c'était mon sujet amené que j'ai complètement moffé. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même drôle. C'était cute. On va mettre ça des bloopers, OK? OK. OK. Dans le générique à la fin. Oui, c'est ça. Comme Radio Enfer. Oui. OK. Donc, c'est ça. En fait, l'artiste Pivix Mint 8, enfin, a créé des bouteilles de parfum, mais faites avec les vilains des Disney. OK, donc genre une forme similaire avec une tête qui nous fait penser, de vitre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ils n'ont pas toutes des têtes, là. OK. Tu sais, c'est des bouteilles, c'est en forme de bouteille, puis tout, là, mais qui essayent avec les couleurs, les formes, de la façon qu'ils sont faits, que ça ressemble à un des vilains ou vilaines de Disney. Les plus connus, là, comme Cruella de Vil. Oui, il y a la reine dans Blanche-Neige. Mm-hmm. Etc. Donc, c'est vraiment beau. Oh, wow! Ils sont magnifiques. Je ne sais pas s'ils sentent aussi bon. Je ne sais pas comment ça pour déterminer l'odeur ou la senteur d'une vilaine. Ouais, je sais pas. Ça te dit que si tu mets genre du Cruella, ça va sentir les chiens? c'est ça. Odeur de dalmatien. Miam. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Enfin. Voilà, je trouve ça très beau. C'est très joli. C'est très, très joli. Ça fait de la cosse. C'est tout pour des collections. Mm-hmm. Ben oui, mais imagine ça sur une tablette. Ben oui. Mm-hmm. Tout. Je veux tout. T'as compris? Tout. OK, je prends ça en note. Oui, prends ça en note. Oui. Oui, OK. Tu me passes 1000 piastres. Non, j'allais pas. Désolé. Oui, bref. Ensuite de ça, ben, on a déjà parlé de quelque chose de semblable, là, mais en fait, il y a un artiste qui aurait fait comme un mash-up. Un genre de fusion symbiose. Exactement, cherchez le mot. Donc, dans le fond, entre des personnages de Disney et des Star Wars. Oh, Star Wars! Ouais. Qu'est-ce que, dans le fond, un peu, si on veut, qu'est-ce que le personnage de Disney aurait l'air s'il était Jedi ou un Star Wars, ouais, là. Exact. Mais en tactile. Je le vois devant moi et on dirait, je sais pas, c'est lui qui a fait le dessin du personnage au complet, parce que on dirait que c'est des lightsabers genre rajoutés à des photos. Là, ouais. J'ai comme un bénéfice du doute sur la création. Ben ouais, ça, l'histoire le dit pas, mm-hmm. mais effectivement, ça... Mais c'est réussi. Ça a été rajouté, là, dans le fond, c'est rien que pour s'amuser, j'imagine. Moi, ça, Ariel pourrait faire n'importe quel métier. Elle peut tenir n'importe quoi dans ses mains. Ah, oh, ouais, c'est ça. Ben oui. Ben oui. Tellement cocasse. Ah, oh, oh, mais hein, on s'ennuie pas. Hein. Non, c'est ça. C'est tout le temps la même blague. Ben oui, c'est ça. Ouais. Pas grave. Hein? Écoute. ensuite de ça, quoi de mieux que de voir une fausse princesse maintenant avec un vrai visage? Ah, OK. Alors, l'artiste DeviantArt User Avalonis, en fait, a manipulé un peu des photos, mettons, d'un artiste ou de quelqu'un de connu. Là, OK, donc des vraies faces de gens. Okay. Oui, des vraies faces de gens, d'humains. Et pour trouver ceux qui... À quoi ressemblerait, mettons, dans la vraie vie, si on devait faire personnage... Mettons qu'on fait un film sur Ariel, ouais. La petite sirène, de quoi aurait l'air qui serait l'actrice, genre, mettons? C'est ça. Okay. De quoi elle aurait l'air, pas faite de façon... faite de façon réelle. Pas par ordinateur, avec une vraie personne. Oui, okay, c'est cool. Ça. J'aime ça. Oui. J'aime ça. Fait que là, on en a comme beaucoup, là. Et c'est assez impressionnant, quand on, même. On manipule les faces, là. Oui, ils ont un petit peu manipulé pour un peu mettre sa vision, là. Mais écoute, c'est... C'est cool, c'est une très bonne idée, j'aime ça. Oui. C'est pas du tout une grosse perte de temps. Ben non, c'est ça. Mais écoute, tout le monde s'amuse. Ça s'appelle Internet, ça pourrait aussi s'appeler perte de temps. Oui, c'est ça. Donc allez voir ça, on va mettre ça sur Assemblage Requis. Bien sûr, tout est là déjà. Mais oui. Ben oui. Et pour finir, en fait, ben c'est pas vraiment... Ben, je sais pas si on peut les considérer comme des princesses, là, mais peut-être pas tant. Là. Les Powerpuff Girls. Les Super Nanas. Oui. Français, oui. Oui. En fait, il y a un artiste qui s'est dit, tiens, mais de quoi aurait-elle l'air si elles avaient vieilli? Ah oui. Alors, on a des belles photos, là. Ah, c'est sur des fausses couvertures de magazines, c'est en plus. Ça, exact, oui. Poison Ivy, c'est qui l'autre? Je connais pas nécessairement leur nom. Là. Ah, ben Chitara? Moi non plus, je sais pas. Je sais pas tant, Blossom, Bubble et Buttercup. C'est ça, je pense que t'as exactement raison, en fait. Oui. C'est ça. Et, ben voilà. Wow. Très beau. J'étais un petit peu comme j'avais le regard qui tanguait vers... Ben, t'étais détourné, ben oui. C'est hein, ça, c'est un petit peu parce difficile. Que vous le voyez pas, là, mais allez, se ressemble à Jurek. Je vais fermer l'onglet. Ils sont assez... Assez séduisante. Séduisante. Encore beaucoup de choses visuelles qu'on retrouve sur assemblagerequis.com dans la Geekette en devenir. C'est ce qui t'intéresse, je pense, le plus sur Internet. C'est des choses qu'on regarde avec les yeux. Oui. Merci Marie-Ève. De rien. Normalement, on terminerait l'émission ici, mais on a encore juste assez de temps pour faire C'est un fait Tech Edition. Ouh. C'est un fait Tech Edition. On va faire surtout le tour des choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire. On commence par le 8 janvier dernier. En 1889, Herman Hollerith reçoit un brevet pour sa machine à tabuler. Donc, une tabulating machine. En français, on m'apprend que ça s'appelle une tabulatrice. Donc, tabulatrice, c'est l'appareil central d'un atelier de mécanographie. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il a fusionné avec trois autres compagnies plus tard et ça a formé International Business Machines, qu'on appelle aujourd'hui IBM. C'est en 1889. Ensuite, on passe au 9 janvier. En 1992, le CEO de Apple, John Sculley, a inventé le terme Personal Digital Assistant, ou le PDA. C'est ce qu'on a plus tard appelé des assistants numériques personnels, les petits genres de trucs, l'ancêtre des iPhones et autres, là, où on tapait des notes et son calendrier, ses contacts dans son assistant numérique personnel. Ils ont dit que Apple allait entrer dans cette business-là plus tard la même année. En 2001, Apple a introduit iTunes pour le Macintosh. Donc, on pouvait ripper des CD, acheter de la musique numérique. En fait, peut-être pas acheter, mais on pouvait organiser sa musique numérique et faire avoir des radios sur Internet aussi. En 2007, le CEO de Apple, maintenant Steve Jobs, a présenté pour la première fois le iPod, un appareil connecté à Internet et un téléphone, et tout ça en un seul appareil, donc le iPhone, qui allait être vendu plus tard cette année-là. Quand même assez populaire, je dirais, le iPhone dès 2007. Ensuite, le 10 janvier 1899, un brevet américain est fourni et donné, si on veut, pour un appareil électrique inventé par David Messel qui utilisait des piles D. une après l'autre, donc des piles D, on connaît les grosses, grosses piles D, dans un tube de carton, de papier, en fait, avec une ampoule au bout et un reflecteur, un réfléchisseur, j'imagine. Donc, les batteries duraient assez longtemps pour faire seulement un flash de lumière. Et c'est pour ça qu'on a nommé ça flashlight. Oh! 1899. Ah ben. Et en 2008, Sony BMG devient la dernière étiquette musicale, donc étiquette, un label, à vendre des MP3 sans protection, sans verrou numérique. Le 11 janvier 1954, la BBC diffuse pour la première fois ce qu'on appelle InVision Weather Forecast, donc un bulletin météo. George Cowling était le Meteorological du Meteorological Office a présenté des studios de la BBC des cartes météo dessinées à la main avec des punaises, bref, sur un tableau. Et il a montré la météo pour la première fois en 1954. À la télé. En 2005, Apple présente le iPod Shuffle, le nouveau lecteur de musique sans écran et avec de la mémoire flash où tu peux entrer genre quelques albums, genre tes pièces préférées, ton top 40 d'une station ouais, de radio. C'est ça. On saute au 13 janvier en 1910, la première diffusion radio publique a eu lieu avec une performance en direct de l'opéra Cavalleria Rusticana, chantée par Enrico Caruso et d'autres. C'était diffusé de la Metropolitan Opera House à New York, transmetteur qui avait 500 watts de puissance. En 1928, trois nouveaux postes de télévision, postes, on parle de l'appareil, ont été installés par General Electric dans des maisons de Schenectady à New York pour faire la démonstration d'un récepteur télévisé, donc de télévision. L'image était de 1,5 pouces de long par 1 pouce de haut et 24 lignes à 16 images par seconde, donc vraiment le début de la télé en 1928. Et pour terminer, le 14 janvier 1878, Alexander Graham Bell fait une démonstration de téléphone à la reine Victoria. Oui, c'est ça, exactement. Il a fait ça à la reine? À la reine Victoria, oui, à la Osborne House Estate sur l'île de Wight. Bref, oui, c'est ça, il a fait une démonstration d'un téléphone et il est allé toucher à la reine. Il a touché physiquement la reine avec sa main, ce qui est un très, très grand faux pas. C'était la première fois qu'une personne normale, bref, mettait ses mains sur la personne... Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Royal. Ça dit pas, j'imagine rien, mais c'était un très, très gros faux pas. Faut pas faire ça. Oh là là! Et en 1973, le concert d'Elvis Presley, Aloha from Hawaii, a été diffusé en direct via satellite, et ça a eu le record, et record qui tient encore aujourd'hui, apparemment, de la diffusion la plus regardée par un seul entertainer, donc vedette, de toute l'histoire de la télévision. C'est Aloha from Hawaii. Voilà pour C'est un fait, Tech Edition, et voilà pour l'émission de cette semaine. On s'est rendu juste à temps à la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Mathieu Plante Show. C'est toujours les mercredis en direct à partir de 16h. Et on repasse quand? C'est tout ça, les samedis, toi? Ben les oui. Samedi. Et que t'as l'air mêlé. Sûrement parce que j'avais pas préparé mon thème de fin. Allez, samedi à 15h. Merci, Marie-Ève Picard. Hey, merci, Mathieu Blanc. Ça fait plaisir. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, cif.ca pour la programmation complète. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye-bye.